Scène 2. Amandine, Landerneau. Landerneau est entré sans être entendu par Amandine. Qu'est-ce que tu dis là, Bibiche ? Amandine met vivement une main derrière son dos. Moi ? Rien ? Comment rien ? Je t'ai bien vu. Quelle est cette lettre que tu me caches ? Rien, je te dis. Un papier sans importance. Alors, pourquoi l'as-tu vivement dissimulé à mon approche ? C'est que... Alors, montre-le-moi. Je ne peux pas. Ah, Bobonne, tu me fais supposer des choses. Prends garde. Je veux ce billet. Tu ne l'auras pas. Je ne l'aurai pas, Amandine. Tu me trompes. Cette lettre est une lettre d'amour. Ah, je t'aurais pourtant bien cru à l'abri. Donne-moi ça. Je suis perdue. Non. Landerneau prend la lettre de force. Hé, donne-moi donc, je te dis. Ah, tiens, tu n'es qu'un Othello. Amandine tombe sur le canapé. L'écriture du ténor, elle aussi. Ne lis pas. Oh, ma foi, tant pis. Cette lettre n'est pas pour moi. Pas pour toi. Et pour qui ? Mais pour... Oh, quelle idée. Êtes-vous capable de conserver un secret jusqu'à la mort ? Et même après ? Eh bien, cette lettre est pour... Madame Pacarel. Hein? Pour? C'est vrai au moins ça. Après tout, ça ne m'étonne pas. Et lui a dit, je vous aime, devant moi, sans qu'il se peut bien. C'est égal, je le saurai. Comment cela? Eh, parbleu, en remettant ce billet à Madame Pacarel. Hein? Vous ne ferez pas cela? Me gênerai. C'est impossible. Pourquoi? Ce billet pour elle. Je le lui remets. C'est tout naturel.